Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et je de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. Je fais tant de projets qui sont restés en l'air, je fonde tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu, ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je ne fais que courir et me suis dessoufflé, ignorant le passé, conjuguant dans le futur. Je précédais des mois toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des aventures. Perdu mon temps à faire de folies, il ne me laisse fond rien de vraiment précis que quelques rides au fond. La peur de la nuit, car mes amours sont mortes avant que d'exister. Mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, je fais le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire, en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires, j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent. Mes 20 ans.